Dans ce moment, la tête de la colonne, qui marchait précédée du détachement de lanciers polonais, était arrêtée et ne savait où passer, à cause d'un grand encombrement qui se trouvait dans une rue plus étroite et par suite des éboulements. Je profitai de ce moment pour satisfaire au désir qu'avait ce malheureux de voir si dans les cendres de son habitation il ne retrouverait pas les cadavres de son fils et de sa femme. Je lui proposai de l'accompagner. Nous entrons sur l'emplacement de la maison. D'abord, nous ne voyons rien qui puisse confirmer son malheur. Et déjà, je le consolai en lui disant que sans doute ils étaient sauvés, quand tout à coup, à l'entrée de la porte de la cave, j'aperçus quelque chose de gros et informe, noir et raccourci. J'avançai, j'examinai, en ôtant avec mon pied tout ce qui pouvait m'empêcher de reconnaître la chose. Je vis que c'était un cadavre. Mais impossible de pouvoir discerner si c'était un homme ou une femme. D'abord, je n'en eus pas le temps car l'individu que la chose intéressait et qui était à côté de moi comme un stupide jeta un cri effroyable et tomba sur le pavé. Aidé par un soldat qui était près de moi, nous le relevâmes. Revenu un peu à lui-même, il parcourut en se livrant au désespoir. Le terrain de la maison, et par un dernier cri, il nomma son fils et se précipita dans la cave, où je l'entendis tomber comme une masse. L'envie de le suivre ne me prit pas. Je m'empressai de rejoindre le détachement, en faisant de tristes réflexions sur ce que je venais de voir. Un de mes amis me demanda ce que j'avais fait de l'homme qui parlait français. Je lui contai la scène tragique que je venais de voir, et comme l'on était toujours arrêté, je lui proposai de venir voir l'endroit. Nous allâmes jusqu'à la porte de la cave. Là, nous entendîmes des gémissements. Mon camarade me proposa d'y descendre, afin de le secourir. Mais comme je savais qu'en le tirant de cet endroit, c'était le conduire à une mort certaine, puisqu'ils devaient tous être fusillés en arrivant, je lui observai que c'était commettre une grande imprudence que de s'engager dans un lieu sombre et sans lumière. Fort heureusement, le cri « aux armes » se fit entendre. C'était pour se remettre en marche. Mais comme il fallait encore quelque temps avant que la gauche fît son mouvement, nous restâmes encore un moment au même endroit. Et comme nous allions nous retirer, nous entendîmes quelqu'un marcher. Je me retournai. Jugez quelle fut ma surprise en voyant paraître ce malheureux, ayant l'air d'un spectre, portant dans ses bras des fourrures avec lesquelles, disait-il, il voulait ensevelir son fils et sa femme, car pour son fils il l'avait trouvé mort dans la cave sans être brûlé. Le cadavre qui était à la porte était bien celui de sa femme. Je lui conseillai de rentrer dans la cave, de s'y cacher jusqu'après notre départ, et qu'il pourrait ensuite remplir son pénible devoir. Je ne sais s'il comprit, mais nous partîmes. Nous arrivâmes près du Kremlin à 5 heures du matin. Nous mîmes nos prisonniers dans un lieu de sûreté, mais avant, j'avais eu la précaution de faire mettre de côté les deux tailleurs, père et fils, et cela pour notre compte. Ils nous furent, comme l'on verra, très utiles pendant notre séjour à Moscou. Le 20, l'incendie s'était un peu ralenti. Le maréchal Mortier, gouverneur de la ville, avec le général Milot, nommé commandant de la place, s'occupèrent activement d'organiser une administration de police. L'on choisit à cet effet des Italiens, des Allemands et Français habitant Moscou, qui s'étaient soustraits en se cachant aux mesures de rigueur de Rostopchine, qui, avant notre arrivée, faisait partir les habitants malgré eux. À midi, en regardant par la fenêtre de notre logement, je vis fusiller un forçat. Il ne voulut pas se mettre à genoux. Il reçut la mort avec courage et, frappant sur sa poitrine, il semblait défier celui qui la lui donnait. Quelques heures après, ceux que nous avions conduits subirent le même sort. Je passai le reste de la journée assez tranquille, c'est-à-dire jusqu'à 7 heures du soir, où l'adjudant-major de lettres me signifia de me rendre aux arrêts dans un endroit qu'il me désigna, pour avoir, disait-il, laissé échapper 3 prisonniers que l'on avait confiés à ma garde. Je m'excusai comme je pus, et je me rendis dans l'endroit que l'on m'avait indiqué. D'autres sous-officiers y étaient déjà. Là, après avoir réfléchi, je fus satisfait d'avoir sauvé 3 hommes, dont j'étais persuadé qu'ils étaient innocents. La chambre dans laquelle j'étais donnait sur une grande galerie étroite qui servait de passage pour aller dans un autre corps de bâtiment, dont une partie avait été incendiée, de manière que personne n'y allait, et je remarquai que la partie qui était conservée n'avait pas encore été explorée. N'ayant rien à faire, et naturellement curieux, je m'amusai à parcourir la galerie. Lorsque je fus au bout, il me sembla entendre du bruit dans une chambre dont la porte était fermée. En écoutant, il me sembla entendre un langage que je ne comprenais pas. Voulant savoir ce qu'elle renfermait, je frappai. L'on ne me répondit pas. et le silence le plus profond succéda au bruit. Alors, regardant par le trou de la serrure, j'aperçus un homme couché sur un canapé et deux femmes debout qui semblaient lui imposer silence. Comme je comprenais quelques mots de la langue polonaise, qui a beaucoup de rapport avec la langue russe, je frappai une seconde fois et je demandai de l'eau. Pas de réponse. Mais à la seconde demande, que j'accompagnais d'un grand coup de pied dans la porte, l'on vint m'ouvrir. Alors j'entrai. Les deux femmes, en me voyant, se sauvèrent dans une autre chambre. Je commençai par fermer la porte par où j'étais entré. L'individu couché sur le canapé ne bougeait pas. Je le reconnus de suite pour un forçat de la figure la plus ignoble et la plus sale, ainsi que sa barbe et tout son accoutrement composé d'une capote de peau de mouton serrée avec une ceinture de cuir. Il avait à côté de lui une lance et deux torches à incendie, plus deux pistolets à sa ceinture, objet dont je commençais par m'emparer. Ensuite, prenant une des torches qui était grosse comme mon bras, je lui en appliquai un coup sur le côté qui lui fit ouvrir les yeux. L'individu, en me voyant, fit un bond, comme pour sauter après moi. Mais il tomba de tout son long. Alors je lui présentai le bout d'un des pistolets que je lui avais pris. Il me regarda encore d'un air stupide, et voulant se relever, il retomba. À la fin, il parvint à se tenir debout. Voyant qu'il était ivre, je le pris par un bras, et l'ayant fait sortir de la chambre, je le conduisis au bout de la galerie qui séparait les chambres. Et lorsqu'il fut sur le bord de l'escalier, qui était droit comme une échelle, je le poussai. Il roula jusqu'en bas comme un tonneau, et presque contre la porte du corps de garde de la police, qui était en face de l'escalier. Les hommes de garde le traînèrent dans une chambre destinée pour y enfermer tous ceux de son espèce que l'on arrêtait à chaque instant. Enfin, je n'en entendis plus parler. Après cette expédition, je retournai à la chambre, et je m'y enfermai, et ayant encore regardé si rien ne pouvait me nuire, j'ouvris la porte de la seconde chambre où j'aperçus, en entrant, les deux dulcinées assises sur un canapé. En me voyant, elles ne parurent pas surprises. Elles me parlèrent toutes deux à la fois. Je ne pus jamais rien comprendre. Je voulus savoir si elles avaient quelque chose à manger. Elles me comprirent parfaitement, car aussitôt, elles me servirent des concombres, des oignons et un gros morceau de poisson salé, avec un peu de bière, mais pas de pain. Un instant après, la plus jeune m'apporta une bouteille qu'elle appela Kosalki. En le goûtant, je le reconnus pour du genièvre de Danzig. Et en moins d'une demi-heure, nous eûmes vidé la bouteille, car je m'aperçus que mes deux moscovites buvaient mieux que moi. Je restai encore quelque temps avec les deux sœurs, car elles m'avaient fait comprendre qu'elles l'étaient. Alors je retournai dans ma chambre. En rentrant, je trouvai un sous-officier de la compagnie qui était venu pour me voir, et qui depuis longtemps m'attendait. Il me demanda d'où je venais. Lorsque je lui eus conté mon histoire, il ne fut plus surpris de mon absence, mais il parut enchanté à cause, me dit-il, que l'on ne trouvait personne pour blanchir le linge. Puisque le hasard nous procurait deux dames moscovites, certainement elles se trouveraient très honorées de blanchir et de raccommoder celui des militaires français. À 10 heures, lorsque tout le monde fut couché, comme nous ne voulions pas que personne sache que nous avions des femmes, le sous-officier revint avec le sergent-major, chercher nos deux belles. Elles firent d'abord quelques difficultés, ne sachant où on les conduisait. Mais ayant fait comprendre qu'elles désiraient que je les accompagnasse, j'allai jusqu'au logement où elles nous suivirent de bonne grâce en riant. Un cabinet se trouvant disponible, nous les y installâmes après l'avoir meublé convenablement avec ce que nous trouvâmes dans leur chambre. Bien mieux avec tout ce que nous trouvâmes de beau et d'élégant que les dames nobles moscovites n'avaient pu emporter, de manière que, de grosses servantes qu'elles paraissaient être, elles furent de suite transformées en baronnes, mais blanchissant et raccommodant d'autres linges. Le lendemain, au matin, 21, j'entendis une forte détonation d'armes à feu. J'appris que l'on venait encore de fusiller plusieurs forçats et hommes de la police, que l'on avait pris mettant le feu à l'hospice des enfants trouvés et à l'hôpital où étaient nos blessés. Un instant après, le sergent-major accourut me dire que j'étais libre. En rentrant dans notre logement, j'aperçus nos tailleurs, les deux hommes que j'avais sauvés, déjà en train de travailler. Ils faisaient des grands collets avec les draps des billards qui étaient dans la grande salle du café où était logée la compagnie, et que l'on avait démonté pour avoir plus de place. J'entrai dans la chambre où étaient enfermées nos femmes. Elles étaient occupées à faire la lessive, et elles s'en tiraient passablement mal. Cela n'est pas étonnant, elles avaient sur elles des robes en soie d'une baronne. Mais il fallait prendre patience, faute de mieux. Le reste de la journée fut consacré à organiser notre local et à faire des provisions, comme si nous devions rester longtemps dans cette ville. Nous avions en magasin pour passer l'hiver 7 grandes caisses de vin de champagne mousseux, beaucoup de vin d'Espagne, du Porto. Nous étions possesseurs de 500 bouteilles de rhum de la Jamaïque, et nous avions à notre disposition plus de 100 gros pains de sucre, et tout cela pour 6 sous-officiers, 2 femmes et un cuisinier. La viande était rare. Ce soir-là, nous eûmes une vache. Je ne sais d'où elle venait. Probablement d'un endroit où il n'était pas permis de la prendre, car nous la tuâmes pendant la nuit, pour ne pas être vus. Nous avions aussi beaucoup de jambon, car on en avait trouvé un grand magasin. Ajoutez à cela du poisson salé en quantité, quelques sacs de farine, 2 grands tonneaux remplis de suif que nous avions pris pour du beurre. La bière ne manquait pas. Enfin, voilà quelles étaient nos provisions pour le moment, si toutefois nous venions à passer l'hiver à Moscou. Le soir, nous eûmes l'ordre de faire un contre-appel. Il fut fait à 10 heures. Il manquait 18 hommes. Le reste de la compagnie dormait tranquillement dans la salle des billards. Ils étaient couchés sur des riches fourrures de martes zibelines, des peaux de lion, de renard et d'ours. Une partie avait la tête enveloppée de riches cachemires et formant un grand turban, de sorte que dans cette situation, ils ressemblaient à des sultans plutôt qu'à des grenadiers de la garde. Il ne leur manquait plus que des houris. J'avais prolongé mon appel jusqu'à 11 heures, à cause des absents, pour ne pas les porter manquants. Effectivement, ils rentrèrent un instant après, ployant sur leur charge. Parmi les objets remarquables qu'ils rapportèrent, il se trouvait plusieurs plaques en argent, avec des dessins en relief. Ils apportaient aussi chacun un lingot du même métal, de la grosseur et de la forme d'une brique. Le reste consistait en fourrures, châles des Indes, des étoffes en toile tissées d'or et d'argent. Ils me demandèrent encore la permission de faire de suite 2 autres voyages pour aller chercher du vin et des fruits confits qu'ils avaient laissés dans une cave. Je la leur accordai. Un caporal les accompagna. Il est bon de savoir que sur tous les objets qui avaient échappé à l'incendie, nous autres sous-officiers prélevions toujours un droit au moins de 20%. Le 22 fut consacré au repos, à augmenter nos provisions, à chanter, fumer, rire et boire, à nous promener. Le même jour, je fis une visite à un Italien, marchand d'estampes, qui restait dans notre quartier et dont la maison n'avait pas été brûlée. Le 23 au matin, un forçat fut fusillé dans la cour du café. Le même jour, l'ordre fut donné de nous tenir prêts, pour le lendemain matin, à passer la revue de l'empereur. Le 24, à 8 heures du matin, nous nous mîmes en marche pour le Kremlin. Lorsque nous y arrivâmes, plusieurs régiments de l'armée y étaient déjà réunis pour la même cause. Il y eut ce jour-là beaucoup de promotions et beaucoup de décorations données. Ceux qui, dans cette revue, reçurent des récompenses avaient bien mérité de la patrie, car plus d'une fois ils avaient versé leur sang au champ d'honneur. Je profitais de cette circonstance pour visiter en détail les choses remarquables que renfermait le Kremlin. Pendant que plusieurs régiments étaient occupés à passer la revue, je visitais l'église Saint-Michel, destinée à la sépulture des empereurs de Russie. Ce fut dans cette église que, les premiers jours de notre arrivée, croyant y trouver des grands trésors que l'on disait y être cachés, des militaires de la garde du 1er de chasseurs, qui étaient restés de piquet au Kremlin, s'y étaient introduits, avaient parcouru des caveaux immenses, mais au lieu d'y trouver des trésors, ils n'y trouvèrent que des tombeaux en pierre, recouverts en velours, avec des inscriptions sur des plaques en argent. On y rencontra aussi quelques personnes de la ville qui s'y étaient retirées sous la protection des morts, croyant y être en sûreté, parmi lesquelles se trouvait une jeune et jolie personne, que l'on disait appartenir à une des premières familles de Moscou, et qui fit la folie de s'attacher à un officier supérieur de l'armée. Elle fit la folie plus grande encore de le suivre dans la retraite. Aussi, comme tant d'autres, elle périt de froid, de faim et de misère. Sortant des caveaux de l'église Saint-Michel, je fus voir la fameuse cloche, que j'examinais dans tous ses détails. Sa hauteur est de 19 pieds. Une bonne partie est enterrée, probablement par son propre poids, depuis le temps qu'elle est à terre, par suite de l'incendie qui brûla la tour, où elle était suspendue et dont on voit encore les fondations. Les grosses pièces de bois auxquelles elle était suspendue y sont encore attachées, mais cassées par le milieu. Pas loin de là, et en face du palais, se trouve l'arsenal où l'on voit à chaque côté de la porte 2 pièces de canon monstres. Un peu plus loin et sur la droite, c'est la cathédrale, avec ses 9 tours, ou clochers couverts en cuivre doré. Sur la plus haute des tours, l'on y voyait la croix du grand Ivan, qui domine le tout. Elle avait 30 pieds de haut. Elle était en bois, recouverte de fortes lames d'argent doré. Plusieurs chaînes aussi dorées la tenaient de tous les côtés. Quelques jours après, des hommes de corvée, charpentiers et autres, furent commandés pour la descendre, afin de la transporter à Paris comme trophée. Mais en la détachant, elle fut emportée par son poids. Elle faillit tuer et entraîner avec elle tous les hommes qui la tenaient par les chaînes. Il en fut de même des grands aigles qui dominaient les hautes tours autour de l'enceinte du Kremlin. Il était midi lorsque nous eûmes fini de passer la revue. En partant, nous passâmes sous la fausse porte où se trouvait le grand Saint-Nicolas dont j'ai parlé plus haut. Nous y vîmes beaucoup d'esclaves russes occupés à prier, à faire des courbettes et des signes de croix au grand saint. Probablement qu'ils intercédaient contre nous. Le 25, avec plusieurs de mes amis, nous parcourûmes les ruines de la ville. Nous passâmes dans plusieurs quartiers que nous n'avions pas encore vus. Partout l'on rencontrait, au milieu des décombres, des paysans russes, des femmes sales et dégoûtantes, juifs et autres, confondus avec des soldats de l'armée, cherchant dans les caves que l'on découvrait les objets cachés qui avaient pu échapper à l'incendie. Indépendamment du vin et du sucre qu'ils y trouvaient, l'on envoyait chargés de châles, de cachemire, de fourrures magnifiques de Sibérie, et aussi d'étoffes tissées de soie, d'or et d'argent, et d'autres avec des plats d'argent et d'autres choses précieuses. Aussi voyait-on les Juifs avec leurs femmes et leurs filles faire à nos soldats toute espèce de propositions pour en obtenir quelques pièces, que souvent d'autres soldats de l'armée reprenaient. Le même jour, au soir, le feu fut mis à un temple grec, en face de notre logement, et tenant au palais où était logé le maréchal Mortier. Malgré les secours que nos soldats portèrent, l'on ne put parvenir à l'éteindre. Ce temple, qui avait été conservé dans son entier, et où rien n'avait été dérangé, fut dans un rien de temps réduit en cendres. Cet accident fut d'autant plus déplorable que beaucoup de malheureux s'y étaient retirés avec le peu d'effets qu'il leur restait, et même depuis quelques jours l'on y officiait. Le 26, je fus de garde aux équipages de l'empereur, que l'on avait placé dans des remises situées à une des extrémités de la ville et vis-à-vis une grande caserne que l'incendie avait épargnée et où une partie du premier corps d'armée était logée. Pour y arriver avec mon poste, il m'avait fallu parcourir plus d'une lieue de terrain en ruine et situé presque sur la rive gauche de la Moscova, où l'on n'apercevait plus que ça et là quelques pignons d'église. Le reste était réduit en cendres. Sur la rive droite, on voyait encore quelques jolies maisons de campagne isolées, dont une partie aussi était brûlée. Près de l'endroit où j'avais établi mon poste se trouvait une maison qui avait échappé à l'incendie. Je fus la voir par curiosité. Le hasard m'y fit rencontrer un individu parlant très bien le français, qui me dit être de Strasbourg, et qu'une fatalité avait amené à Moscou quelques jours avant nous. Il me conta qu'il était marchand de vin du Rhin et de champagne mousseux, et que, par suite de malheureuses circonstances, il perdait plus d'un million, tant par ce qu'on lui devait, que par les vins qu'il avait en magasin et qui avaient été brûlés, et aussi par ce que nous avions bu et que nous buvions encore tous les jours. Il n'avait pas un morceau de pain à manger. Je lui offris de venir manger avec moi sa part d'une soupe au riz, qu'il accepta avec reconnaissance. En attendant la paix que l'on croyait prochaine, l'empereur donnait des ordres afin de tout organiser dans Moscou, comme si l'on devait y passer l'hiver. L'on commença par les hôpitaux pour les blessés de l'armée. Ceux des Russes eux-mêmes furent traités comme les nôtres. On s'occupa de réunir, autant que possible, les approvisionnements de tout genre qui se trouvaient dans différents endroits de la ville. Quelques temples qui avaient échappé à l'incendie furent ouverts et rendus au culte. Pas loin de notre habitation et dans la même rue, il existait une église pour les catholiques. Un prêtre français émigré y disait la messe. L'église portait le nom de Saint-Louis. L'on parvint même à rétablir un théâtre, et l'on m'a assuré que l'on y avait joué la comédie avec des acteurs français et italiens. Que l'on y ait joué ou non, une chose dont je suis certain, c'est qu'ils furent payés pour 6 mois, et cela afin de faire croire aux Russes que nous étions disposés à passer l'hiver dans cette ville. Le 27, comme j'arrivais de descendre ma garde aux équipages, je fus surpris agréablement en trouvant deux de mes pays qui venaient me voir. C'était Flamand, natif de Pérouels, Vélit dans les dragons de la garde, et Mêlet, dragon dans le même régiment. Ce dernier était de Condé. Il tombait bien ce jour-là, car nous étions en disposition pour rire. Nous invitâmes nos dragons à dîner et à passer la soirée avec nous. Dans différentes courses de maraude que nos soldats avaient faites, ils nous avaient rapporté beaucoup d'hommes et de femmes, de toutes les nations, même des costumes français du temps de Louis XVI, et tous ces vêtements étaient de la plus grande richesse. C'est pourquoi, le soir après avoir dîné, nous proposâmes de donner un bal et de nous revêtir de tous les costumes que nous avions. J'oubliais de dire qu'en arrivant flamand, nous avait appris une nouvelle qui nous fit beaucoup de peine. C'était la catastrophe du brave lieutenant-colonel Martod, commandant le régiment de dragons dont Flamand et Mellet faisaient partie, ayant été à la découverte 2 jours avant le 25, dans les environs de Moscou, avec 200 dragons. Ils avaient donné dans une embuscade, et chargés par 3 000 hommes, tant cavalerie qu'artillerie, le colonel Martod avait été mortellement blessé, ainsi qu'un capitaine et un adjudant-major, qui furent faits prisonniers après avoir combattu en désespéré. Le lendemain, le colonel fit demander ses effets, mais le jour suivant nous apprîmes sa mort. Je reviens à notre bal, qui fut un vrai bal de carnaval, car nous nous travestîmes tous. Nous commençâmes par habiller nos femmes russes en dames françaises, c'est-à-dire en marquises, et comme elles ne savaient comment s'y prendre, c'est Flamand et moi qui furent chargés de présider à leur toilette. Nos 2 tailleurs russes étaient en chinois, moi en boyard russe, Flamand en marquis. Enfin, chacun de nous prit un costume différent. Même notre cantinière, la mère Dubois, qui survint dans le moment et qui mit sur elle un riche habillement national d'une dame russe. Comme nous n'avions pas de perruque pour nos marquises, le perruquier de la compagnie les coiffa. Pour pommade, il leur mit du suif et pour poudre de la farine. Enfin, elles étaient, on ne peut pas mieux, ficelées. Et lorsque tout fut disposé, nous nous mîmes en train de danser. J'oubliais de dire que pendant ce temps, nous buvions force punch, que Mellet, le vieux dragon, avait soin d'alimenter, et que nos marquises, ainsi que la cantinière, quoique supportant très bien la boisson, avaient déjà le cerveau troublé, par suite des grands verres de punch qu'elles avalaient de temps en temps avec délice. Nous avions pour musique une flûte qu'un sergent-major jouait, et le tambour de la compagnie l'accompagnait en mesure. On commença par l'air « On va leur percer les flancs, ram ram ram, tampement, tiroli, ramplam ». Mais à peine la musique avait-elle commencé, et la mère Dubois allait-elle en avant avec le fourrier de la compagnie, avec qui elle faisait vis-à-vis, que voilà nos marquises, à qui probablement notre musique sauvage allait, qui se mettent à sauter comme des tartares, allant à droite et à gauche, écartant les jambes, les bras, tombant sur le cul, se relevant pour y tomber encore. L'on aurait dit qu'elles avaient le diable dans le corps. Cela n'aurait été que très ordinaire pour nous si elles avaient été habillées avec leurs habits à la russe, mais voir des marquises françaises, qui généralement sont si graves, sauter comme des enragées, cela ne nous faisait pas mais de rire, de manière qu'il fut impossible aux joueurs de flûte de continuer. Mais notre tambour y suppléa en battant la charge. C'est alors que nos marquises recommencèrent de plus belle, jusqu'au moment où elles tombèrent de lassitude sur le plancher. Nous les relevâmes pour les applaudir. Ensuite, nous recommençâmes à boire et à danser jusqu'à 4 heures du matin. La mère Dubois, en vraie cantinière, et qui savait apprécier la valeur des habits qu'elle avait sur elle, car c'était en soie tissée d'or et d'argent, partit sans rien dire. Mais en sortant, le sergent de garde à la police, voyant une dame étrangère dans la rue, aussi matin, et pensant faire une bonne capture, s'avança vers elle et voulut la prendre par le bras pour la conduire dans sa chambre. Mais la mère Dubois, qui avait son mari et du punch dans le corps, appliqua sur la figure du sergent un vigoureux soufflet qui le renversa à terre. Il cria « À la garde !» Le poste prit les armes, et comme nous n'étions pas encore couchés, nous descendîmes pour la débarrasser. Mais le sergent était tellement furieux que nous eûmes toutes les peines du monde à lui faire comprendre qu'il avait eu tort de vouloir arrêter une femme comme la mère Dubois. Le 28 et le 29 furent encore consacrés à nous occuper de nos provisions. Pour cela, nous allions faire des reconnaissances 2 jours et la nuit, pour ne pas avoir de concurrence, nous allions chercher ce que nous avions remarqué. Le 30, nous passâmes la revue de l'inspecteur dans la rue, en face de notre logement. Lorsqu'elle fut terminée, il prit envie au colonel de faire voir à l'inspecteur comment le régiment était logé. Lorsque ce fut au tour de notre compagnie, le colonel se fit accompagner par le capitaine, l'officier et le sergent de semaine, et l'adjudant-major Roustan, qui connaissait le logement, marchaient en avant. Il avait soin d'ouvrir les chambres où était la compagnie. Après avoir presque tout vu, le colonel demanda « Et les sous-officiers, comment sont-ils ?»« Très bien, » répondit l'adjudant-major Roustan, « et aussitôt ils se mettent en train d'ouvrir les portes de nos chambres. Mais par malheur, nous n'avions pas ôté la clé de la porte du cabinet où nos dulcinées se tenaient, et que nous avions toujours fait passer pour une armoire. Aussitôt il l'ouvre, mais surpris d'y voir un espace, il regarde et aperçoit les oiseaux. Il ne dit rien, referme la porte et met la clé dans sa poche. » Lorsqu'il fut descendu dans la rue, et d'aussi loin qu'il m'aperçut, Il me montra la clé, et s'approchant de moi en riant, « Ah, me dit-il, vous avez du gibier en cage, et comme des égoïstes, vous n'en faites pas part à vos amis. Mais que diable faites-vous de ces drôlesses-là? Et où les avez-vous pêchées? On n'en voit nulle part. » Alors je lui contai comment et quand je les avais trouvées, et qu'elles nous servaient à blanchir notre linge. « Dans ce cas, nous dit-il en s'adressant au sergent-major et à moi, « vous voudrez bien me les prêter pour quelques jours, afin de blanchir mes chemises, car elles sont horriblement sales. Et j'espère qu'en bon camarade, vous ne me refuserez pas cela. » Le même soir, il les emmena. Il est probable qu'elles blanchirent toutes les chemises des officiers, car elles ne revinrent que 7 jours après. Le 1er octobre, un fort détachement du régiment fut commandé pour aller fourrager à quelques lieues de Moscou, dans un grand château construit en bois. Nous y trouvâmes fort peu de choses. Une voiture chargée de foin fut toute notre capture. À notre retour, nous rencontrâmes la cavalerie russe qui vint caracoler autour de nous, sans cependant oser nous attaquer sérieusement. Il est vrai de dire que nous marchions d'une manière à leur faire voir qu'ils n'auraient pas eu l'avantage, car quoiqu'étant infiniment moins nombreux qu'eux, nous leur avions mis plusieurs cavaliers hors de combat. Ils nous suivirent jusqu'à un quart de lieue de Moscou. Le 2, nous apprîmes que l'empereur venait de donner l'ordre d'armer le Kremlin. 30 pièces de canons et d'obusiers, de différents calibres, devaient être placées sur toutes les tours tenant à la muraille qui forme l'enceinte du Kremlin. Le 3, des hommes de corvée de chaque régiment de la garde furent commandés pour piocher la terre et transporter des matériaux provenant de vieilles murailles que des sapeurs du génie abattaient autour du Kremlin et des fondations que l'on faisait sauter par la mine. Le 4, j'accompagnais à mon tour les hommes de corvée que l'on avait commandés dans la compagnie. Le lendemain, au matin, un colonel du génie fut tué à mes côtés d'une brique qui lui tomba sur la tête, provenant d'une mine que l'on venait de faire sauter. Le même jour, je vis près d'une église plusieurs cadavres qui avaient les jambes et les bras mangés, probablement par des loups ou par des chiens. Ces derniers se trouvaient en grande quantité. Les jours où nous n'étions pas de service, nous les passions à boire, fumer et rire, et à causer de la France, et de la distance dont nous étions séparés, et aussi de la possibilité de nous en éloigner encore davantage. Quand venait le soir, nous admettions dans notre réunion nos deux esclaves moscovites, je dirais plutôt nos deux marquises, car depuis notre bal, nous ne leur disions plus d'autres noms, qui nous tenaient tête à boire le punch au rhum de la Jamaïque. Le reste de notre séjour dans cette ville se passa en revue et parade, jusqu'au jour où un courrier vint annoncer à l'empereur, au moment où il était à passer la revue de plusieurs régiments, que les Russes avaient rompu l'armistice et avaient attaqué à l'improviste la cavalerie de Murat, au moment où ils ne s'y attendaient pas. Aussitôt la revue passée, l'ordre du départ fut donné, et un instant toute l'armée fut en mouvement. Mais ce ne fut que le soir que notre régiment eut la connaissance de l'ordre de se tenir prêt à partir pour le lendemain. Avant de partir, nous fîmes à nos deux femmes moscovites ainsi qu'à nos deux tailleurs leur part de butin que nous ne pouvions emporter. 20 fois ils se jetèrent à terre pour nous remercier en nous baisant les pieds. Jamais ils ne s'étaient vus si riches.